cours numéro 26. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala al-Allama al-Sheikh al-Sa'di rahmatullah alayhi. ومن أسمائه الحسنى اللطيف. Dans ce dars, on commence la lecture de l'explication d'un nouveau nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ism al-Latif. والذي جمع كلام الشيخ سعدي رحمه الله تعالى توسع قليلا. Il a cité beaucoup de références par rapport à d'habitude. Et alhamdulillah, c'est du khayr, فنستفيد من كلام الشيخ سعدي رحمه الله أي كلامه في هذا الاسم. قال رحمه الله ومن أسمائه الحسنى اللطيف. والدليل على هذا الاسم ذكره في الحاشية. قال لا تدركه, قال عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Donc اسم اللطيف il est ثابت. ومن أسمائه الحسنى اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور وما في الأرض من خفايا البذور ولطف بأوليائه عز وجل. هذا الاسم كما ذكر هنا الشيخ سعدي رحمه الله يشمل معنيين. Ce nom اللطيف il englobe deux sens. الأول بمعنى أنه بمعنى الخبير. اللطيف بمعنى الخبير أي celui qui sait tout. قوله رحمة الله عليه الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور. هو عليم بذات الصدور, يعلم السر وأخفى. أي الله سبحانه وتعالى sait tout. Il connaît les choses apparentes et les choses cachées. هذه المعاني تقدمت معنا في اسم الخبير كذلك العليم. اللطيف من معاني اللطيف c'est الخبير. C'est pour ça que dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il a cité les deux noms, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فمن معاني اللطيف c'est الخبير. Le deuxième sens وهو بمعنى المعروف عند الجميع. Quand on dit اللطف, ça ressemble à الرحمه, ça ressemble au رفق, la douceur. اللطف بالعباد, هذا سبي بمعنى اسم الرؤوف, ça ressemble à الرؤوف, ça ressemble à الرحيم, الرحمن, كذلك الرفيق. Tous ces noms ils sont متقارب في المعنى. Tu as deux sens, tu as le premier بمعنى الخبير, أن الله sait tout. Et le deuxième, بمعنى الرؤوف, أن الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده أي يرحمهم عز وجل. والشيخ سعدي رحمه الله, son كلام, qu'on va lire ensemble, بتوفيق الله عز وجل في هذا الدرس, أو ربما il faudra plus d'un درس, c'est par rapport au deuxième sens. C'est par rapport au deuxième sens. أي أن الله سبحانه وتعالى يلطف بالعباد, أي بمعنى الرأفة والرحمة. قال رحمه الله ولطف بأوليائه وأصفيائه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته. هذا من لطف الله عز وجل بعباده. On traduira pas le mot لطف à chaque fois. ما أدري comment ils le traduisent. La douceur. نعم. La bonté, le bar, ربما, نعم. Ça ressemble. La douceur, من لطف الله عز وجل. فمثلا, le premier point qu'il a cité, فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرماته وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إلى سخطه. من لطف الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب pour nous montrer الطريق. Ça c'est من لطف الله سبحانه أنه il nous a facilité, il veut notre bien. Celui qui veut le حق, c'est très très simple. Tu as des sources, القرآن والسنة. Tu as des savants, والله الحمد. Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité des choses à notre époque qui n'étaient pas avant. Tous les moyens, hein, tu peux lire, tu peux écouter. Tout ça, c'est min lutfillahi azza wa jal bi'ibadihi al-mu'minin. Si tu t'es trompé, ou tu ne savais pas, tu n'es pas pris en compte. Si tu as fait un péché volontairement, tu demandes pardon, tu te repens, Allah il te pardonne tout. Si tu fais une hasana, elle est multipliée par 10 ou akthar, comme taqaddam ma'ana. Tout ça, c'est min lutfillah azza wa jal. Qala, et même si l'insan ne fait pas de tawba et il meurt, tant qu'il n'a pas fait de shirk, Allah il peut lui pardonner. Qala rahimahullah, wa hafidhahum min kulli sabab wa sila tawsilu ila sakhatihi min turqin yash'uruna biha wa min turqin la yash'uruna biha. وقدر عليهم أمورا يكرهونها لينيلهم ما يحبون فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على عوائده الجميلة وصنائعه الكريمة. هذا الكلام اللي لماذا؟ لأن سكلام سمين كما في الحاجة توضيح الكافية الشافية الإكسبيكاسيون النونية إلى تعليقات يسيرة الشيخ سعدي رحمه الله سورة النونية الإمام ابن القيم. Et après, le kalam, les autres kalam qui va citer d'autres sources, ça va détailler ce kalam. On n'a pas besoin de tout expliquer l'an. قال فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على عوائده الجميلة وصنائعه الكريمة ولطف أو لطف لهم في أمور خارج عنهم لهم فيها كل خير وصلاح ونجاح. فاللطيف متقارب لمعاني الخبير الرؤوف الكريم. هنا إلى غزمي أن اللطيف si tu as compris هذا الكلام et on le détaillera inshallah ta'ala, أن اللطيف c'est proche dans le sens الخبير الرؤوف et الكريم. فالله سبحانه وتعالى il est كريم il est رؤوف il est خبير il sait tout et Allah سبحانه وتعالى il veut le bien pour ses ibad et il leur donne et il leur pardonne et il leur fait miséricorde il a akhir. فبعد هذا الكلام فنقل هنا المحقق بعض النقولات حقيقة سي دي زيكزامبل جميلة دو هذا اللطف. فلهذا الشيخ سعدي رحمه الله يبدأ الكلام هنا يقول ومن لطفه أي سي دي زيكزامبل أي parmi le لطف d'Allah سبحانه وتعالى telle chose parmi le لطف d'Allah سبحانه وتعالى telle chose وهكذا هذه معاني جميلة فنقراها وبالله التوفيق. قال ومن لطفه رحمه الله قال ومن لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره لليسرى ويجنبه العسرى. هذا كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى nous a montré الحق nous a montré الطريق avec l'envoi des messagers et la révélation des livres. قال ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه. سس من لطف الله لمن تأمل وتدبر. المحن سي بلوريل دو محنة سي الابتلاء سي لي زيبروف. فالله سبحانه وتعالى يجري على عبده من أصناف المحن دي زيبروف كي مون توشي تا سانتي تي بيان تي بروش بوكو دو شوز. هذه الدنيا سدار المحن والبلاء والابتلاء. قال التي يكرهها الإنسان et ça c'est من طبيعة الإنسان أنه il aime pas ces choses. L'insan il aime pas tomber malade, il aime pas que واحد lui prend ses biens, il aime pas que ses enfants ils sont touchés par un mal, il a آخر. فالإنسان يكره هذا الشيء وتشق عليه c'est dur خاصة au départ. المحنة l'épreuve c'est très très difficile au départ. من يصبر au départ, alhamdulillah, après c'est très très, c'est beaucoup plus simple. Innama as-sabr fi as-sadmati al-ula. C'est pour ça que le sabr qu'on doit appliquer, qu'on doit avoir, c'est fi as-sadmati al-ula. Lianna l'épreuve c'est dur au départ. On t'annonce que il s'est passé telle chose. Huna, l'épreuve elle commence et c'est là le plus dur. Et c'est là que tu dois patienter. Thumma avec le temps, tout le monde patiente. C'est plus de la patience, en réalité, t'as pas le choix. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qahar, comme t'as pas d'âme. Mathalan, wahed, on lui annonce la mort d'un proche. Au départ, comme a dit le qissa, innama as-sabr fi as-sadmati al-ula. Cette femme, qui pleurait, il a akhiré, qui a perdu un proche. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a conseillé au départ, elle ne savait pas que c'était le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle n'a pas patienté. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'elle est venue le revoir, après qu'elle a su que c'était le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama sabr fi sadmati l'oula. Et c'est le premier choc, au départ. Huna c'est le sabr. Mais avec le temps, ils ont perdu un proche. Nassallahu subhanahu wa ta'ala, thabat wa sabr. Ils ont perdu un proche et ils n'ont pas patienté. Ils crient, ba'dhum, ils s'arrachent les vêtements, ba'dhum, iyadun billah, ils se griffent le visage. Thumma, après toutes ces masa'ib, c'est très très grave, hada, liyanna, yarhamukullah. C'est très très grave, hada, liyanna, ça montre une faiblesse de foi, yanna, l'insan, il n'accepte pas le destin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné que cet être humain, il meurt. Et on mourra tous. Hada, l'insan, rajul aw mra'a. Probablement après deux jours, après une semaine, après un mois, quand Wahid lui parle, il dit nasbir, on patiente. Voilà, c'est pas comme ça. Asbir, c'est au départ. Pourquoi au bout d'une semaine, un mois, tout le monde patiente, il y en a, t'as plus le choix, qu'est-ce que tu vas faire? Il est plus là, il est plus là. Hada, qawluhu, rahimahullah, wa tashuq alayhi wa hiya aynu salahi. Donc l'épreuve au départ, tashuq, quelque chose de charge, c'est de difficile. Et si tu réfléchis bien, cette épreuve, c'est aynu salahik. C'est pour ton bien. Il n'y a que ton bien dans cette épreuve. Lakin, il faut comprendre certaines choses pour pouvoir accepter hada. Qala wa tariqu ila sa'adati. Et كذلك في الحقيقة, cette épreuve elle va faciliter le chemin du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. كَمَ امْتَحَنَ الْأَنْبِيَاءَ بِأَذَى قَوْمِهِمْ وَبِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé l'anbiya. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été insulté, accusé, chassé, frappé. Tout ça c'est bien l'ibtila, c'est khayrun nas alayhi salatu wa sallam. فَمَعَ هَذَا, c'est un immense bien pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète alayhi salam, il a patienté. Ben, c'est l'homme qui a le plus patienté, alayhi salatu wassalam. Qal wa bil jihad fi sabili. Kadalik al jihad, c'est une épreuve azime. L'insan, il doit laisser ses proches, il doit laisser son foyer. Il est exposé à des blessures, à la mort. Tout ça, là, je sais que c'est char. Si tu réfléchis bien, hada libtila, hada il mihna, mihna, c'est pour ton bien. La première goutte de sang qui sort, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes péchés. Et ajr wa fadl al mujahidin, il est ma'rouf fi fadl al shuhada. En réalité, si tu réfléchis comme ça, il y a un bien. Chaque épreuve, il y a un bien. Lakin, il faut patienter. Il faut deux choses. Il faut patienter et il faut l'iman. Amal kafir, il est éprouvé, c'est que du châtiment pour lui. Et celui qui ne patiente pas, la shak annahu, il ne sera pas récompensé comme celui qui patiente. Qala wa at-tariq ila sa'adatihi kama imtahana al-anbiya بأذى قومهم والجهاد في سبيله وكما ذكر الله عن يوسف عليه السلام وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله بما قدره عليه من تلك الأحوال التي حصلت له في عاقبتها حسن العقبة في الدنيا والآخرة. تأمل الاستوار دي يوسف عليه الصلاة والسلام. Il a été injustement trahi par ses frères. Ils ont menti. Ils l'ont abandonné. ثم il a été recueilli, thumma, il a été accusé par cette femme, Mra'atul Aziz. Zulman wa udwan. Il n'avait rien fait. On dirait les étapes. Quand tu racontes un tas, c'est très très simple. On peut raconter l'histoire, on peut la résumer en quelques minutes. Lakin ta'ammal toutes ces années. Et la preuve de cela, c'est qu'à la fin, quand ses frères ils sont revenus عند al-Malik Yusuf, alayhi salatu salam, il avait une place très élevée. Ils l'ont même pas reconnu au départ. Ça prouve qu'il y a eu une énorme période pour pas reconnaître ton frère. Il a grandi, il a changé, c'est devenu un homme. Toutes ces années des épreuves. Thomas, cette femme qui l'a accusé, Thomas, il est placé en prison des années. Des années. Hatta les deux hommes qu'il a aidés quand ils sont sortis, ils ont oublié de le citer عند الملك. Des années après. Sinin, il est resté vicieux. Hatta Al-Malik, il a eu besoin de l'interprétation des rêves, et il s'est rappelé que Yusuf, un des hommes, il s'est rappelé que Yusuf, il a interprété les rêves, il a informé le Malik, et le Malik, il l'a fait sortir. Allah subhanahu wa ta'ala, farraja'an. Toutes ces années. Toutes ces épreuves, ta'ammal. Et Youssouf, il a patienté. Il n'a jamais désespéré. Il n'a pas dit une kalima, alayhi salatu wassalam, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aimait pas. Al-Anbiya, ils sont dans son monde. Tout ça, c'est min lutfillahi azza wa jal, bihi. Et Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, il a cité Ba'd, dans la page suivante, il a cité Qawlullah azza wa jal, ikhbaran an Youssouf, Rabbi, latifun lima yasha. Ça, c'est في آخر سورة يوسف تأمل هذا على fin de سورة يوسف toutes les épreuves quand il a été abandonné par ses frères quand il est arrivé dans un autre pays dans une autre contrée il n'avait pas l'habitude Thomas il a été accusé Thomas la prison il a arrêté toutes ces épreuves à la fin quand Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayhi wa akrama et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé Youssouf alayhi salatu wassalam qala rabbi latifun lima yasha. Si on lit le verset entier, qala Allah azza wa jalla wa qad ahsana rabbi in akhrajani min as-sijn. Ça c'est la première épreuve. Ben il y avait une épreuve avant quand ses frères ils l'ont laissé et ils ont menti à son père. Qala wa ja'a bikum min al-badwi. Ça c'est une autre épreuve annahu il a été séparé de sa famille. Et c'est très très dur, khassatan, quand l'insan il est encore jeune. Fa ta'ammal sijn. Kadhalik, il a été séparé de sa famille. Qala wa min ba'd an naz'a ash-shaytan bayni wa bayna ikhwati. Elle est citée l'épreuve, kadhalik. Elle est citée. Annahu, il a eu un problème avec lui et ses frères. Hatta ses frères, ils ont eu de la jalousie. Youssouf, c'était le plus aimé. Et kadoulah, ils l'ont trahi. Ils ont fait croire à leur père que le loup, il l'avait mangé. Une autre épreuve. T'ammel, tes frères, ils te laissent. Tu vois plus ta famille. Tu es enfermé en prison injustement. Tout ça des années. Et ça commence très jeune. Allahu a'lam, combien il avait 10 ans, 15 ans, 12 ans. Allahu a'lam. C'est très très difficile, hada. Qala Allahu azza wa jal, annaza ash-shaytan bayni wa bayna ikhwati. بعد هذا كيس كلا دي يوسف إن ربي لطيف لما شاء أو لما يشاء إن ربي لطيف malgré tout cela Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé quand ses parents ils sont venus et se sont prosternés il a arrêté à la fin et Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné هذه المنزلة c'est devenu un des proches du roi عليه الصلاة والسلام قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم تأمل les deux noms qu'il a cités. Il a cité أولاً أن الله سبحانه وتعالى لطيفٌ. Ça te montre أن toutes les épreuves que tu subis, si tu patientes, في الحقيقة, c'est pour ton bien. ربما cette épreuve, Allah va t'élever. Tu es accusé, tu es trahi, tu es rejeté. Allah سبحانه وتعالى فقط t'éprouve pour voir est-ce que tu vas patienter. Et il est بكل شيء عليم. Et ربما il t'élève par rapport à tous ceux qui ont été injustes. Et تأمل قوله عز وجل إنه هو العليم الحكيم. فأمل هذا فسي إخبارا عن قول يوسف يوسف قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أي tout ce qui s'est passé c'est fondé sur العلم والحكمة si tu arrives à retenir ces deux choses أنا quand tu es prouvé الله il est على كل شيء عليم الله il sait والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنت tu sais pas ربما cette épreuve c'est pour ton bien peut-être que tu n'aurais pas été touché par cette maladie par cette injustice tu aurais fait des choses graves et كذلك Anna s'est fondée sur le hikma. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Combien de choses, wa asa an takrahu shay'an, wa huwa khayrun lakum. Combien de choses, on pense que c'est un mal, fil haqiqa, c'est un bien. L'histoire de Youssouf, yaha fawaid azima. Wa lakhasaha al-Sheikh Sa'di rahimahullah, fi kitabihi al-Nafi'a, talkhis al-tafsir, ou mulakhas al-tafsir. Il y a un chapitre à la fin, un des derniers chapitres, ou l'avant-dernier, c'est sur qasas al-anbiya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفاسيليت نقرأ هذا الكتاب يدي فوائد عظيمة الشيخ سعدي مثلا إلى سيتي الاستوار دو يوسف عليه الصلاة والسلام avec des versets du Coran ثم il explique l'histoire brèvement ثم il cite des فوائد et parmi les فوائد qu'il a cité من هذه الفوائد أن الصبر عاقبته جميلة on répète الله أعلم combien d'années des années déjà en prison الله أعلم كم des années avant la prison, des années après, حتى il a retrouvé sa famille, il a arrêté. قال رحمه الله التي حصلت له في عاقبتها حسن العقبة في الدنيا والآخرة. Tout ce qu'on a dit, c'est fait de dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé, il a retrouvé ses parents, il a arrêté ses frères, ils lui ont demandé pardon, il s'est réconcilié avec ses frères. Allah subhanahu wa ta'ala, comment il élève l'insan, comment il a élevé ce nabi. Amma fil akhirah, Yusuf alayhi salatu salam, c'est un nabi karim, et il sera avec ses frères, l'anbiya wa rasul, fil firdaus al-a'la, ils auront l'anbiya le plus haut niveau. قال وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون وكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام. كذلك الله سبحانه وتعالى يمتحن أولياءه. Ça, ça nous montre أن الله سبحانه وتعالى quand il aime quelqu'un il l'éprouve كما جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. Donc, هذا الابتلاء في الحقيقة, si on réfléchit comme ça, c'est une bouchra. C'est un bien pour toi. Le fait que tu as éprouvé, que tu as été éprouvé, Allah il t'aime. Et il veut t'élever par rapport aux autres. Et في الحقيقة, تستفيد من المحن. Celui qui réfléchit et qui ne voit pas que les mauvais côtés, tire beaucoup de leçons d'une épreuve. قال, وكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام. وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية ورياسة أو سبب من الأسباب المحبوبة فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دينه. Ça c'est une faïda عظيمة. Combien de choses Allah سبحانه وتعالى il te ne les donne pas في الدنيا. كما قال إما رئاسة إما ولاية. On peut prendre l'exemple à nos jours, peut-être ce travail, peut-être cette place, peut-être de te marier avec un tel, peut-être d'habiter dans cette ville. Allah subhanahu wa ta'ala, il qaddar pas. Et il t'ouvre pas les portes à cette chose. Et Robamanta, tu penses que c'est un mal au début. J'ai pas eu cette chose. On est attiré par dunya en général. Et vu qu'on veut les choses tout de suite, si on n'a pas cette chose, on pense que c'est un mal. Qala rahimahullah, wa yusrifu an rahmatan bih. C'est une rahma pour toi. Les Allah tadurruhu fi dini. Combien de personnes ils ont trouvé un travail in harafu? Combien? Ba'dannas ils trouvent un travail plus d'ilm, plus de masjid, plus de jama'a et des zunoub. Mixité, rubama, il se permet des choses qu'il ne faisait pas avant. Le travail c'est un ibtila. Le travail c'est une niqma pour lui. Le travail c'est un châtiment. C'est un mal pour lui. Rubama wahed, le même poste. Il n'a pas été pris. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préservé. Thumma, peu de temps après Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes, il trouve un travail. Toutes les mauvaises choses qu'il y avait dans le premier, il ne les a pas. Ça, ça nous montre quoi? Anna l'insan yasbir. Et husnu dhan billah. Et كذلك faire attention à dunya. Qala fayadhillu l'abd hazinan min jahlihi wa adam ma'rifatihi bi rabbih. Min asbab al-husn. C'est al-jahl. Maintenant, واحد, il n'a pas eu ce poste, ou il n'a pas pu acheter cette chose, ou il n'a pas pu faire ce voyage. Rubama yahzan, pourquoi? À cause de son ignorance. C'est pour ça que plus l'insan il a l'iman qawi via hadha al-bab, moins il est touché par la tristesse. Directement, il dit, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Directement, il dit, alhamdulillah. Directement, il se rappelle de قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Directement, il se rappelle cette chose. C'est vrai, je l'ai pas eu. L'être humain en général, il est triste. Lakin, il se rappelle très vite. ربما c'est un bien. Il dit alhamdulillah. Et il passe à autre chose. Amma, plus l'insan il est loin de هذا الإيمان وده هذا العلم العظيم. ربما une petite chose, il est triste longtemps. Alors que cette chose, c'est un mal pour lui. قال ولو علم ما ما ما دخر ما د نعم ولو علم ما دخر ما دخر له نعم ولو علم ما دخر له في الغيب وأريد إصلاحه لحمد الله وشكر على ذلك فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه. C'est l'insan, il réfléchirait comme قال الشيخ سعدي رحمه الله et c'est fait. Ses gestes, belle sa pensée, elle serait fondée sur l'iman billah, wa bi asma'ihi, wa bi sifatihi, Et on peut prendre d'exemple le dars d'aujourd'hui, Ism al-Latif, ça le pousserait au choukr. Il n'a pas été pris dans ce travail, il dit Alhamdulillah, il fait du choukr. Il dit Alhamdulillah que je n'ai pas été pris, Rabbama j'aurais été pris, Allahu alam, qu'est-ce qui serait passé? Allah, il a qadr que je n'ai pas été pris, c'est un khayr, azim. On m'a fait les causes, akhil karim. Il n'y a pas qu'un poste. Alhamdulillah, tu n'as pas trouvé de travail demain, aujourd'hui tu trouveras demain. Hakada le mariage. Hakada le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala qadrana, ça n'a pas marché avec telle personne, ihmadillah. Ihmadillah. Ne fais pas l'inverse. Le shaitan, il te fait croire qu'il n'y a que des bons côtés. Thomas, si ça ne marche pas, toi, tu penses que, khalas, t'as manqué, madriman. Là, celui qui réfléchit comme ça, c'est yadur nefsa. Il y en a pas d'un nez, Obama, ils n'arrivent pas à se marier avec, dès qu'on parle du mariage, faut pas que je regarde ce côté. Ça y est, il y en a le bas, s'il ne se marie pas avec Fulana, Kanahu, il ne trouvera pas. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Bel si ça ne marche pas, Ihmadillah. Rabbama, hadihi al-mar'a, ma fiha khayr. Ou, avec toi, ça n'aurait pas marché, ce n'est pas le même caractère, il a akhari. Fahmadillah. Tout ça, testaviduhu, min hadha al-ism al-azim. Qala rahimahullah, wa fi ad-du'a al-ma'thur. Al-ma'thur, ay. عن النبي صلى الله عليه وسلم أي في السنة اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني أي أذهبت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. هذا الحديث قال في الحاشية ضعيف ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. قال اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. هذا سنة دعاء جميل. سدعاء كالشيخ سعدي رحمه الله إلى فهنا الحقيقة c'est le sens de ce qu'il a cité auparavant. اللهم الطف بنا في قضائك. أي تدمد الله سبحانه وتعالى اللطف dans ce qui t'a décrété. ثم وبارك لنا في قدرتك. كذلك الله سبحانه وتعالى يتمد dans la baraka dans ce qui t'a قدر. Comme bien, comme santé, comme enfant, comme temps, comme ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, il te met de la baraka. La baraka, c'est le khayr, c'est le bien. Que ça soit bénéfique pour toi et pour les autres. Hatta la nuhib ta'jil ma akhart. Hada, c'est kadalik. Dua jamil. Hatta, on n'aime pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a repoussé. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a repoussé, il ne nous l'a pas donné. Automatiquement, toi, tu fais le lien avec les noms d'Allah. Allah, c'est l'alim, c'est le khabir, c'est le hakim, c'est le rahim. Allah, il ne veut pas ton mal. S'il ne te l'a pas donné, Allah subhanahu wa ta'ala c'est Arhamur Rahimin. Et Allah c'est le Hakim et il sait. Hein, toi tu sais pas. Comme min al-nas, ils ont eu certaines choses. Si on reprend les exemples, mariage, au travail, au argent, wallahi, au bout d'un moment, ils espéraient ne pas avoir eu cette chose. Lakin l'insan, il sait pas, on sait pas, nous. C'est pour ça que si Allah subhanahu wa ta'ala il t'a qadré une chose, il aime que. بإذن الله عز وجل ستخير pour toi et c'est un bien pour toi, لكن اصبر. قال ولا تأخير ما عجلت. قال واعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة بل هو رحمة خاصة. فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. دونك هنا il a fait le lien directement أن اللطف c'est قريب من الرحمة. Tout à l'heure on cherchait une traduction, enfin اللطف c'est بعضهم ils traduisent par la douceur. مهم, c'est un nom qui والله الحمد, celui qui a suivi avec nous là chaque année, le sens il est clair. قال هي اللطف فإذا قال العبد يا لطيف الطف بي أو لي وأسألك لطفك فمعناه تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة وبها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية. ولله الحمد كثير من المسلمين يفهم هذا الدعاء اللهم الطف بنا. قال فالأمور الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف للعبد. فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به. Donc le fait que le mu'min il soit guidé, c'est min lotfillah. Allah subhanahu wa ta'ala rahima. Combien de personnes ils étaient dans une situation critique, fi kufr, wa dhalal, wa wasawis, wa amrad nafsiya. Combien de personnes ils étaient garés, c'était pas des musulmans, ils avaient des problèmes dans leur cœur, ils pensaient beaucoup, ils étaient atteints de certaines maladies, Obama, à force de penser, à force de fréquenter des mauvaises personnes. Allah subhanahu wa ta'ala latafa bihim et il les guide, alhamdulillah, ils sont fi afia wa salama. Tout ça c'est min lutfillah. قال فقد لطف به واذا قيض الله له اسبابا خارجيه غير داخله تحت قدره العبد نعم فيها نعم هنا كان هو une virgule ou un point فيها صلاحه او لا الكلام يكمل فقد لطف له ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه السلام تلك الاحوال Je regarde, est-ce que c'est le même masdar là? Hona, c'est un... Le masdar d'avant, c'était Al-Haq al-Wadih al-Mubin. Et Hona, c'est un autre kalam, Al-Haqqa, d'un autre livre. Falihada, le Cheikh Sadi, rahimahullah, il a recité l'histoire de Youssouf qu'on a brèvement résumé ensemble. Qala, lama tanakalat bi Youssouf alayhi salam, tilka al-ahwal, wa tatawurat bihi al-atwar min ru'yah, وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جدا واختصامهم بأبيهم ثم محنته بالنسوة ثم بالسجن ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده بتعبيرها وتبوأه من الأرض حيث يشاء وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء toutes les épreuves, le départ, le problème qu'il avait avec ses frères jusqu'à la prison, sa sortie de prison, il a akhiré. قال والامتحان ثم حصل بعد ذلك الاجتماع الصار وإزالة الأكدار وصلاح حالة الجميع. À la fin, tout le monde, ولله الحمد, صلح حاله. Youssouf, عليه الصلاة والسلام, c'est un nabi, c'est un rasoul, Allah, il l'a élevé. Ses frères, ils ont demandé pardon. Son père, il a retrouvé la vue. عليه الصلاة والسلام. Tout ça après cette longue période. قال والاجتباء العظيم ليوسف عرف عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء وغيرها لطف لطف الله لهم به فاعترف بهذه النعمة فقال ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم هذا on l'a expliqué auparavant أي لطفه تعالى خاص لمن يشاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك وأهلا له فلا يضعه إلا في محله لماذا؟ لأنه هو الحكيم الله سبحانه وتعالى سي إجد une personne c'est qu'elle mérite s'il égare une personne c'est qu'elle mérite s'il élève un tel c'est qu'il mérite وهكذا toutes les ni'am elles sont à leur place لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى c'est الحكيم حتى الكافر si Allah lui donne c'est les hikmah même s'il ne mérite pas c'est un autre qaz min bab l'istidraj c'est pour l'égarer encore plus et tellement que هذا العبد ربما il aimait l'argent فالله سبحانه وتعالى il le châtie avec cet amour qu'il a de cet argent qui l'éloigne de la vérité قال فالله الله أعلم حيث يضع فضله فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى وسهل له طريق الخير وذلل له صعابه وفتح له أبوابه ونهج له طرقه ومهد له أسبابه وجنبه العسر فقد لطف به هذا كذلك فائدة عظيمة أن السي tu t'aperçois que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à un tel il a akhiré c'est min lutf Allah azza wa jal Allah il lui veut du bien wa rahimah ça doit te pousser كذلك à ne pas être jaloux pourquoi être jaloux Allah subhanahu wa ta'ala لطف بهذا العبد avec de l'argent ou avec une place ou avec de la science ou avec des enfants muhim Allah il lui a donné quelque chose que rubbama anta tapa si tu te rappelles de هذه المعاني Allah c'est lui qui lui a donné comment être jaloux la jalousie c'est espérer que cette chose elle s'enlève alors que cette chose c'est Allah qui l'a donné normalement celui qui connaît هذه المعاني la jalousie c'est très très loin de son cœur et plus l'insan il est ضعيف في هذه المعاني rubbama الشيطان عيادا بالله يتمكن من قلبه cet homme ou cette femme عيادا بالله la jalousie Elle prend beaucoup de place dans leur cœur. قال ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. C'est من لطف الله سبحانه وتعالى. L'insan, ou s'il a fait des causes, c'est des causes minimes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. Et هذا كما تقدم كثيرا معنا, ça doit impliquer الشكر. On doit faire des efforts pour être reconnaissant. Combien de gens ils sont fi dhalal mubin? La ilm, ou la iman, ou la amal, ou la shay, hal al kuffar. Iyadan billah. Ils sont fi hal khatira jiddan. S'ils meurent sur hadal hal, ils sont fi nar éternellement. Et anta walillahi alhamd, tu aimes le ilm, tu aimes l'islam, tu essayes de faire des efforts. Ça, c'est min lutfillahi bik. Et hadha lutf, il va t'aider kathiran si tu es éprouvé, comme à taqaddam. Si tu es éprouvé, ahmadillah, tu as la plus grande ni'ma. Tu as la plus grande ni'ma. Ba'danas, ils ont tout perdu. Ba'danas, ils ont tout perdu. Même s'ils ont shaymin ad-dunya, la haqiqa, ils ont tout perdu. S'ils meurent hadha alhal, ala hadha alhal, ils seront châtiés éternellement. Enfin, hadha, ça va nous pousser à être reconnaissants, à ne pas, yadam billah sapa naam, ne pas d'aïmen voir les mauvaises choses et on n'est pas content ou yadam billah on n'est pas satisfait du qadar là. On est fi khayr azim. Même si on n'a pas beaucoup, on est fi khayr azim. Cette ni'ma, ni'matul iman wal ilm, c'est min akbar al-ni'am. Qala, wa min lutfihi annahu yarhamuhum min ta'ati anfusihim al-ammaratu bis-su' allati hadha tab'uha wa daydanuha. نعم هي ديدنها هي طبيعتها أي حالها إلي كمسة أن النفس الأبل مال قال فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء فتوجد أو فتوجد نعم أسباب أو فتوجد نعم أسباب الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات الغي فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليهم فيدعونهم مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم. نعم. Ça c'est min lutf Allah. أن الإنسان s'écarte معاصي. بعض الناس سنين يفزدي بشي. C'était leur quotidien. ثم quand l'Iman il rentre dans le cœur et Allah subhanahu wa ta'ala il décide de guider ou il guide هذا الإنسان. C'est tout est décrété. Tout ça c'est min lutf Allah. قال ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم فقد يريدون شيئا وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوا لطفا بهم هذا تقدم أن الله سبحانه وتعالى celui qui a tout décrété, ce décret est fondé sur الحكمة فالله سبحانه وتعالى يقدر par rapport à la مصلحة du عبد. تأمل هذا قال يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم أي الله سبحانه وتعالى يتدن par rapport à la مصلحة pas par rapport à ce que tu veux. لماذا قال لأن أو قال لا بحسب مراداتهم فقد يريدون شيئا وغيره أصلح لأنه on est des êtres humains, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas. ربما tu veux cette chose et cette chose elle va te faire beaucoup de mal. Allah يتدن الأصلح même si c'est moins لكن c'est mieux pour toi. في الحقيقة العاقبة elle sera hamide. Et à la fin, c'était ça le meilleur pour toi. Lakin, au départ, on pense que cette chose, elle est bien pour nous. Et si on ne l'a pas, ahyanan, ça nous attriste. Et hada, la yambari. Qala, lutfan bihim wa barran wa ihsanan, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyu al-aziz. Al-shahid, latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. إلى لطيف العباد وقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وغفلنا من معاني اللطيف الخبير فالله سبحانه وتعالى لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ça, ça montre أن le fait d'avoir beaucoup c'est pas forcément du bien. بعض الناس si ils auraient argent, femme, enfant, des biens, ils auraient fait du bari et du dhulm et de l'injustice. Et tu le vois, d'abord, ils sont taillés, ils n'ont pas d'argent. Quand ils ont de l'argent, ça devient des injustes. Rabbama, ils délaissent une partie de leur dîn. فلهذا الله سبحانه وتعالى من حكمته ومن لطفه أن certains ne leur donnent pas beaucoup. حتى cet homme ou cette femme qui n'ont pas beaucoup, ils restent sur la voie droite. Donc si tu n'as pas, ou si tu es restreint niveau argent, il a arrêté, robama c'est un bien pour toi, ihmadillah. C'est pour ça qu'on ne doit pas demander que de l'argent à Allah, on doit demander ma fihi al-khayr. Tu demandes, comme a qala alayhi salatu salam, il faisait beaucoup ce dua, Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Ondur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, lakin, avec hadha al-wasf hasana, quelque chose de tayyib pour toi. Amma tu demandes que le katara, robama cette chose, elle te fera du mal. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا حتى نلقاه والحمد لله